Yo, can I be up on the mic here? Yo, Jacquonette, Nico, yes I. Ok, je me demande quand ce monde va changer, quand Babylone va tomber, quand le droit de Tchatcha va régner, mais quand on aura la paix soumissée. Je me demande quand ce monde va changer, quand Babylone va tomber, quand le droit de Tchatcha va régner, mais quand on aura la paix soumissée. Moi je te dis, man, oui, écoute ce style que je viens pour balancer mes yeux. Moi je te dis, c'est le prince Canabia qui vient pour parler. Écoute cette réalité que je viens pour dénoncer. Parce que moi je te dis, Babylone système, je viens c'est pour les faire tomber. C'est la lumière de Jah qui fait la vérité. Mais c'est pas Babylone système d'après eux qui vont contrôler mes yeux. Je check le mic, c'est pour le faire écouter. Quand je suis sur le microphone, je ne suis pas là pour délirer. Je me demande quand ce monde va changer, quand Babylone va tomber, quand la loi de Tchatcha va régner, mais quand on aura la paix soumissée. Je me demande quand ce monde va changer, quand Babylone va tomber, quand la loi de Tchatcha va régner, mais quand on aura la paix soumissée. Moi quand tu m'as nous j'apprends que nous même toujours bien me da, ou j'apprends que nous même j'apprends direction Zayana, Chassini Aïtala, Chassini Ganjala, nous qui prend pied la fruit, enfin fond à tout voilà. Ou j'apprends parce que nous cabine c'est pour glorifier Tcha, parce que c'est lui qui cabine pour peba nous poste là, de nous garder sans la si mec là nous pas cabine pour pète quoi. Ou j'apprends que si mec là nous pas qu'à glorifier diable. Je me demande quand ce monde va changer, quand Babylone va tomber, quand la loi de Tchatcha va régner, mais quand on aura la paix soumissée. Je me demande quand ce monde va changer, quand Babylone va tomber, quand la loi de Tchatcha va régner, mais quand on aura la paix soumissée. Ou je connais que nous toujours là, et fait nous qu'à parler ces vibes là, c'est pour faire comprendre que nous qu'à venir mettre ça me da, c'est Negwada qui là. Ou je connais nos pas qu'à perdre foi, que nous qu'à venir pour militer et penser à si mec là. Ou je connais ces réalités, que nous qu'à venir pour nous poser, et bien c'est Tcha qui qu'à venir pour bébé nous force là. Ou je connais que c'est Rastafari qui derrière mec là. Ou je connais que hey, ma cabale man, nous savons ça. Je me demande quand ce monde va changer, quand Babylone va tomber, quand la loi de Tchatcha va régner, mais quand on aura la paix soumissée. Je me demande quand ce monde va changer, quand Babylone va tomber, quand la loi de Tchatcha va régner. Yaman,